Bien bonjour et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, et oui, à chaque semaine comme ça, à rentrer chez vous via les ondes radio et vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Joseph Edgar, Amélie Hall, Les Hôtesses d'Hilaire, l'album de la semaine, Simon Daniel, très bon album. Il y a aussi du swing, il y aura du Melissa Ouimet, Télécolor, El Fuego, hein, qui sont peut-être de retour pour un spectacle. Il y aura également du Rihanna, Pontex, Jeremy and the Delicious Sound et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens bien entendu avec le bloc des Maritimes dans quelques instants à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Salut tout le monde, ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous pour un autre 2 heures de musique franco-canadienne. Mais juste avant, comme à l'habitude, je tiens à remercier les gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, OUFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMR Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a également Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Eh bien, laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdnacommercial@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On commence ça, comme à l'habitude, dans le cadre du 25e anniversaire de Canrock, avec une chanson souvenir tirée de la compilation Acadie Racine, Pays sans frontières. Il y a une chanson sur de M. André Aucoin qui s'appelle « Le Cap Rougien ». Très, très bonne chanson, un très beau souvenir, vous allez voir. Par la suite, ça va être Joseph Edgar qui, lui, M. Edgar, ces jours-ci, est en Belgique. Et oui, en Belgique pour participer au festival Propulse Festival. Ça se passe à Bruxelles, en Belgique. Donc, il a été faire un petit tour là-bas, faire quelques spectacles. On va l'écouter avec tout ce que j'ai pu dire. Mais pour l'instant, voici André Aucoin, Cap Rougien. Se trouvait un peu loin. Le gouvernement parlait d'un parc national. Le voyage au village était dur sur le cheval. Un peu de discussion, fini les décisions. Le capuchin vivra, vivra à Chéticamp. Assis sur la bloc, je cherche à comprendre comment vivait le monde dont parlait ma grand-mère. Des soirées au fanat, des journées. Monsieur Joseph Edgar, qui se retrouve en Belgique ces jours-ci, donc j'espère que ça a bien été pour lui. On va passer à d'autres musiques acadiennes, juste en vous invitant avant à aller sur ma page Facebook de Canrock, et oui, c'est à N-R-O-C-K, Vous allez sur la page de Canrock, vous descendez un peu dans le bas de la page et il y a un lien pour la capsule VO, qui est version originale. C'est une petite capsule avec Amélie Hall. Elle parle vraiment de... Elle a écrit une chanson qui s'appelle « Dieu a pris le temps avec toi ». Et c'est une très belle chanson qui se retrouvera sur son prochain album. Et elle parle de spiritualité, de famille et tout ça. C'est vraiment intéressant. Une très belle capsule avec Amélie Hall. Je vous invite à aller voir ça. Allez sur ma page Facebook ou faites VO sur YouTube et vous risquez de tomber là-dessus. Vraiment très intéressante, belle rencontre avec Amélie Hall. On va écouter « Mon cœur en Acadie », qui est une chanson de son dernier album « Cultiver l'amour ». Bien sûr, disponible via Distribution Plage, www.plage avec un s.net. Vraiment intéressant. En tout cas, la chanson qu'elle chante dans la capsule VO sera sur le prochain album et c'est vraiment une très belle chanson. Ça sera suivi, ça, de Caroline Savoie. J'ai finalement reçu l'album. J'ai pas eu le temps de l'écouter du tout. J'ai été encore dans son emballage. Il faut que je fasse ça. Mais si c'est comme le nouvel extrait qu'on nous propose, 1001, ça risque d'être un album fort intéressant. Je vous en reparle d'ici la semaine prochaine. Mais on va entendre aujourd'hui 1001 de Caroline Savoie. Juste avant, voici la belle, grande, talentueuse Amélie Hall, « Mon cœur en Acadie ». J'ai rangé dans ma valise tous les morceaux de mon histoire. Une dernière fois, senti la brise, celle du large qui perce ma mémoire. J'ai laissé tout derrière pour aller voir ailleurs. Des fois que j'ai changé d'air, ferait que ma vie serait meilleure. Dépasser mes frontières, vu le monde qu'une chose a déclaré. J'ai laissé mon ce qu'on aime, des bagages pleins d'espoir et avec beaucoup de rêves, comme si la vie était une course contre l'amour et que le trésor est caché dans ta cour. J'ai cherché bien trop loin pour trouver le chemin qui me ramène à la terre, à la vie, à la mer. J'ai fouillé tous les coins, remonter les rivières, y'a rien à faire. J'ai laissé mon cœur en Acadie. Laissé mon cœur. secondes, les pensées qui dérivent, les mains qui tremblent encore. Encore. Mêler un battement de contrôle, les poumons s'étranglent et le corps s'effondre encore. Annonce, imaginez le pire avant qu'il gronde encore. Encore. Mêler un cauchemar que je dessine, la raison s'en va et la peur arrive encore. Encore. Dis-moi que la je l'attends, je lui ouvre les bras et qu'elle vienne s'emparer de moi. La charmante Caroline Savoie qui avait participé, je ne me trompe pas, elle a gagné le festival, le gala de la chanson de Caraquette qui l'a amené au festival international de la chanson de Granby il y a quelques années de ça. Donc, pourquoi je parle de Caraquette? C'est parce que c'est le temps maintenant de s'inscrire et le porte-parole cette année, c'est M. Brideau, Serge de son petit nom, avec les hôtesses d'Hilaire. Donc, vous avez jusqu'au 5 avril pour aller vous inscrire. Toutes les informations se retrouvent, entre autres, sur galadelachanson.ca. Allez faire un tour là. Les coordonnées sont là pour vous inscrire, envoyer vos démos. Et je vous souhaite gros merde si vous y participez. On va justement entendre les hôtesses d'Hilaire avec Spread the Love et aussi une participante de 2018 qui a gagné plusieurs prix, Audrey Basque-Gauguin avec Seul. Truth be told, I don't need you. Je peux acheter des hits des algorithmes. Ça coûte pas cher de la musique faite par des robots de nos jours. Pis toi, ben tu m'appartiens mon beau. I could slap your name all over those songs and keep the millions. But that's not the way I wanna do business with you, mon bébé. You're my special little project. Je te donne une cote, mais faut que tu suis à la lettre ce que je te dis de faire. Imagine, tu pourrais être le premier Acadien avec un show en permanence à Vegas. But first things first, avant Vegas, ça prend un hit. La meilleure façon selon moi de faire un hit international sans trop se casser la tête avec les barrières d'allant, c'est les onomatopées.

seul. Je suis seul, toujours seul.